Chapitre 7e. Au milieu de ces tempêtes, Geneviève eût vécu heureuse si la tristesse visible de Ribert et cette sorte d'anémie dont il était atteint ne l'eussent inquiété. Lui s'efforçait de lui enlever l'ombre même d'un souci. Il voulait qu'elle sortît beaucoup, trouvant que la maison de la rue de Châteaudun devait, malgré tout le rajeunissement du luxe, sembler lugubre à la jeune femme. Qu'importait qu'il ne fût point là pour l'accompagner? Il était heureux de la savoir à l'opéra avec Raymond et Miss Maud, ou courant quelque exposition avec Louis. Plus elle se lançait, avec une sorte de hâte gaie dans le mouvement accéléré du moment, plus Victor était satisfait. Tous ses comités dont elle faisait partie, ses ventes qu'elle organisait, ses billets qu'elle plaçait, ses tableaux qu'elle allait demander aux peintres, parfois à des peintres pauvres, plus pauvres que ses pauvres, d'atelier en atelier. Cette surexcitation et ses multiples occupations de chaque jour fouettaient délicieusement le sang de la Parisienne. « Je ne peux pas m'en empêcher, » disait-elle à Louis, « j'aime le chic. »« Ce n'est pas un défaut, » répondait le peintre, « j'y mords bien, moi. Seulement, cousine, vous êtes comme toutes les femmes d'à présent, charitable aussi par chic et pour avoir votre nom sur une affiche, comme ces demoiselles du corps de ballet. Votre charité est même indiscrète. » « Je ne dis pas ça pour moi, qui suis millionnaire, mais vos lettres de quête et vos demandes de tableaux, c'est effrayant. Encore si vous faisiez la charité tout bas, discrètement. Péché caché est à demi pardonné, vertu cachée le serait bien davantage. Mais votre nom et votre adresse sur un placard collé à une muraille de Paris, j'ai presque envie de me présenter un jour chez vous avec un faux nez, de vous faire la cour et lorsque vous direz à cet inconnu « Mais, monsieur, qui vous a donné le droit de vous présenter chez moi, de répondre « Madame, une affiche que j'ai lue au coin de la rue ou au coin du quai ?» Les plaisanteries de Louis amusaient toujours Geneviève, mais elle traitait ses paradoxes comme il le méritait. Elle n'y attachait pas plus d'importance qu'à de vieilles papillotes. Et puis il avait beau jeu de railler le cousin, lui, qui se proposait de faire courir au prochain Grand Prix et qui étonnait par le faste de son futur hôtel. « Une fantaisie, » disaient sans rire les journaux, « du grand artiste qui avait été l'ordonnateur de la fête chez Guillemard. » Et voilà donc comme je suis un grand artiste à présent, pour bal et soirée. S'il raillait Geneviève sur son chic, ses robes, ses toilettes et ses parfums, empruntés au courrier de la vie parisienne, la cousine le taquinait volontiers sur son intime liaison avec Rodillon, une liaison dont on commençait à parler. « Ah bah, on en parle, qui ça ?» demandait Louis. Mais tout le monde? Il paraît que vous êtes l'associé de Célestin Rodillon. C'est-à-dire que je lui ai confié quelques capitaux. Non, non, associé, on s'entend, Ali Servier. Louis s'en défendait d'autant plus qu'il éprouvait, en effet, un sentiment bizarre pour la jolie fille, qui n'était qu'une Raymonde agrandie, une statue dont Raymonde était la statuette. Elle le troublait par là, le regardant parfois très drôlement avec ses yeux bleus comme ceux du petit Clouet. Aussi, quand on lui parlait d'Ali Servier, se débattait-il comme un beau diable. Quelle idée! Il ne lui avait même jamais fait la cour. Il la trouvait fort belle, très agréable, soit, mais c'était tout. « Vous êtes discret, cousin, vous avez raison, » répondait Geneviève. « Ce n'est pas la vertu de tout le monde. » « Et ce n'est surtout pas celle du marquis de Lansac, » lui répondit Louis un soir. Geneviève parut étonnée, un peu piquée. « Et pourquoi, monsieur de Lansac ? Qu'avait à faire dans cette conversation le petit marquis ?»« Oh !» dit le peintre, « vous le savez bien. » Sans nul doute, elle le savait, mais elle ne voulait pas qu'on le sût, et elle n'entendait pas non plus qu'on le lui en parlât. Monsieur de Lansac, en effet, était fort prévenant pour elle chaque fois que le hasard les mettait en présence l'un de l'autre dans une de ces mille rencontres de la vie de Paris. Il s'était ruiné l'autre jour, en dévalisant la boutique de fleurs que tenait Madame Ribert à la vente au profit des petits abandonnés. Geneviève avait fait, grâce à lui, une recette extravagante. La duchesse de Callao en roulait des yeux. « Concevez-vous une petite bourgeoise qui bat une duchesse à plate couture ?» Et la comtesse de Barge, sortie du couvent et que Geneviève rencontrait au bois, ne la quittait pas du regard, l'analysait, la détaillait comme une rivale en dévêtit une autre. Évidemment, on parlait de Geneviève dans les salons, on en parlait bien dans les journaux. Seulement, Pour une honnête femme, éprise simplement du duvet du fruit défendu et se contentant de lorgner la pomme sans la croquer, sans même la peler, c'était mal tombé que de se laisser aller à une flirtation, fût-elle légère, avec ce diable de petit Lansac, qui était bien l'être le plus compromettant de Paris et qui avait si niaisement perdu Madame de Barge. « Vous avez tort, je vous jure, cousine, » disait Louis à Geneviève, toute flattée qu'on s'occupât d'elle. « Vous allez me trouver un moraliste bien tatillon pour un immoraliste de mon espèce. Mais on ne vous voit jamais avec votre mari, et partout où vous allez, vous êtes assez charmante pour qu'on vous remarque. Quoique je ne sois pas rousse, quoique vous ne soyez pas rousse, ce satané Lansac est une espèce de porte-manteau auquel les chroniqueurs accrochent leurs anecdotes. Je ne voudrais pas que votre nom fût trop souvent accolé au sien. Je vous assure, il est trop bruyant, le petit Lansac. Il aime trop le plein air en matière de bonne fortune. » Geneviève ne prenait qu'à demi louis au sérieux. Elle le traitait toujours en fantaisiste. Il apportait pourtant à ses remontrances une entière bonne foi. Ce monde nouveau qui était le sien lui déplaisait. Il n'y trouvait d'aimable qu'Ali Servier. Certes, la malignité des gens pouvait s'exercer contre lui. Il ne quittait pas Rodillon, en effet, peut-être pour ne pas quitter Alice. Ils se montraient ensemble aux premières. Louis Ribert était plus connu pour avoir figuré avec la belle-fille dans l'encadrement de velours d'une avant-scène que pour avoir exposé 10 fois de suite au salon. Auboin, le notaire, lui disait un soir à l'opéra « Je vous assure, vous êtes coté. » « École du chic et des banknotes, mon cher Tabellion. » « Parfaitement, parfaitement. Il ne faut pas rire, » répondait ce parisien sceptique d'Auboin. « On fait plus pour sa gloire en se montrant dans une salle de spectacle qu'en passant des journées dans son atelier. Et puis, le voisinage d'Ali Servier, hé, ça pose. » Alors, si j'expose encore, je mettrai sur le livret « Élève d'Ali Servier ». Ah, si vous osiez. Ma parole, le public le mériterait. Ce que Louis trouvait de charmant dans Alice, ce n'était pas elle, c'était l'ombre de cousinette. Il n'eût pas fallu que la belle-fille le soupçonnât. Quelle fureur, bon Dieu, car très sincèrement, elle se laissait aller à trouver gai, amusant, bon compagnon, ce paradoxal Louis Ribert, un peu amer parfois, mécontent de lui, regrettant les beaux jours de médiocrité vaillante où il eût vécu une journée de gaieté avec une cigarette et du pain bis. Mais toujours drôle, en dépit de tout, plus drôle 100 fois que toute la meute qui s'empressait autour de la jolie femme. Il lui paraissait si niais, ses éternels soupirants, lui répétant les mêmes mots sur le même ton, lui rabâchant les mêmes phrases, insolents voulant être spirituels, dans l'uniformité de leur désir banal comme un divan de restaurateur. Louis, au contraire, l'intéressait, avec ses boutades d'une mauvaise humeur qui amusait, un esprit original, des trouvailles imprévues, des mots singuliers et des chocs d'idées bouffonnes, d'où partait électriquement le zigzag d'un éclair. Rodillon s'apercevait, un peu colère, du plaisir qu'éprouvait Alice à se trouver avec le peintre. Elle ne s'en cachait pas. Lorsque Célestin tardait trop à inviter Louis, elle lui demandait très nettement « Eh bien, et Ribert ?»« Ribert, Ribert, il n'a pas toujours le temps d'accepter mes invitations, Ribert. »« Vous croyez ?» répliquait Alice malicieusement. « Voulez-vous que je lui écrive ?» Rodillon sentait des sueurs lui monter au front. Le diable soit de ce barbouilleur qu'il avait associé à ses opérations. Mais le caprice d'Ali Servier était un ordre, et Célestin apparaissait chez la jeune femme bras dessous avec Louis. « À la bonne heure, » disait-elle, « vous êtes gentil, et c'est si bête d'être jaloux. » L'invitation de Rodillon ne plaisait au peintre qu'à demi. Il courait les cabarets à la mode pour tuer le temps, mais la compagnie du banquier lui importait peu. Ce petit homme féroce lui avait même causé une sensation de terreur, une fois qu'en parlant de Guillemard, Rodillon avait laissé passer dans ses yeux une flamme mauvaise. « Ah, Guillemard, le roi de la boustifaille, aujourd'hui, mais bientôt, le roi des ventres creux et des panés. » Il n'avait pas voulu en dire plus long. Pourtant, Louis avait senti dans le sifflement de ses mots, à travers les dents serrées et les lèvres bilieuses, la joie d'une haine prête à se satisfaire. Louis avait tremblé pour Guillemard. C'était encore au restaurant, comme le soir de la fameuse dispute au Chapon Fin. Entre 2 candélabres dont les bougies doraient les cheveux d'or d'Alice et rendaient plus rouge le rouge de ses lèvres. Accoudée, les doigts unis, elle enfonçait dans les yeux de Louis le long regard de ses yeux bleus. Est-ce que vous voyez toujours intimement votre cousin Guillaumard ? Demanda-t-elle à Louis. Toujours. Il ne vous en veut pas d'avoir pris parti pour Célestin ? Il ne m'en veut pas du tout. Rodion souriait, hochant la tête. Il a une fille, Guillaumard ? Continua Alice. Oui, une fille. Jeune, 20 ans. Jolie, elle vous ressemble. Louis avait sans doute dit cela fort galamment, car Alice parut très flattée et Rodion eut un sourire jaune. On allait à l'opéra en sortant du restaurant. Alice voulut absolument que Louis prît place à côté d'elle, et, belle, ses blanches épaules de rousse transparaissant sous les dentelles, elle se penchait à demi, comme pour voir la salle, et Louis, un peu troublé, sentait vers lui monter le parfum doux de ses cheveux d'or. Parfois, le souffle d'Alice effleurait sa joue, et quand elle se retournait brusquement, quittant la scène des yeux, il sentait tout d'un coup sur lui la lumière de ses prunelles, aiguë comme une piqûre. Dans le fond de la loge, Rodillon avait l'air furieux. Il songeait, avec une ironie hargneuse, que cette femme, pourtant si attirante dans sa splendeur, cette Alice lorgnée, adulée, désirée, et qui se penchait là, comme elle se fût offerte vers le peintre, elle avait cependant allumé un réchaud pour lui. Elle avait voulu mourir pour lui, Rodillon, oui, oui, mourir. Et que tout laid qu'il était, et tout bafoué qu'il fût maintenant, il était le seul pour qui la belle fille impérieuse eût donné sa vie. Cela calmait un peu sa jalousie, sa rage, qui l'eût poussé à souffleter quelqu'un et à saisir Alice au poignet et à le tordre, s'il n'avait eu peur de la perdre pour toujours, cette créature adorée dont les miettes de l'amour lui suffisaient, comme une desserte au balai. Il faillit cependant se révolter lorsque, pendant un entr'acte, elle lui demanda d'aller chercher des fruits glacés. Elle voulait être seule avec Louis. Rodillon eut l'âpre tentation de le lui dire tout net. C'eût été ridicule, absurde, et Célestin n'était pas un sot. Il laissa Alice un moment et elle. Tout aussitôt, soulignant volontairement le regard d'admiration dont Louis l'enveloppait, séduit par cette splendeur d'élégance et de vie. Ah, vous faites comme tout le monde, vous regardez mes diamants. Moi, jamais de la vie. Je ne regarde pas le décor quand la pièce est jolie. Vraiment, vraiment. Dans une pause abandonnée, à demi appuyée contre la cloison de la loge, elle laissait vers lui couler son regard à travers ses cils. Des reflets fauves passaient dans ses cheveux. Parfois elle portait à ses lèvres son éventail ouvert et Louis ne voyait plus que le haut du visage, deux yeux pétillants comme dans un loup rose. « Savez-vous que vous êtes très galant ?»« Je l'étais. Je le serais encore si je n'étais pas admis à faire valoir mes droits à la retraite. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis que j'ai des cheveux gris. » Que je vais avoir des rhumatismes et qu'on est tout prêt à me crier, absolument comme en peinture, place aux jeunes. Il parlait à Alice, mais il revoyait à travers les murs de l'opéra, dans un salon de la rue d'Aufémont, un joli visage tout frais, tout gai, qui railleusement regardait, et il entendait, lui seul l'entendait, un petit rire accompagnant cette petite phrase. « Tu vieillis, cousin. Oh, que tu vieillis, regarde donc tes tempes. « Quelle drôle d'idée avez-vous donc là ?» dit Alice en se mettant à rire. « Vieux, vous, parce que vous avez là une petite place poivre et sel, vous êtes fou. Vous êtes plus jeune que la plupart de ces jeunes gens qui sont là. » Elle montrait à l'orchestre des habits noirs debout, appuyés contre les dossiers des fauteuils placés devant eux. « ils lorgnent tant qu'ils peuvent, » dit Alice, « mais ils sont chauves comme des cailloux. Et encore, si ce n'était que ça. » Samson avait des cheveux et ce n'était qu'un imbécile, mais ils sont si ennuyeux. Les subir, bouh. Il y en a qui s'y résignent, c'est le métier. Moi, je les consigne à ma porte. Tous ? Insolent, dit Alice, presque tous. Même le petit Lansac ? Surtout le petit Lansac. Je l'abandonne à votre cousine. Qui n'en veut pas, notez-le bien. Qui n'en veut pas ? Cette jolie Madame Ribert ? Alors cela prouve qu'elle a bon goût. Louis n'était pas fat, mais il se sentait tout flatté de cette bonne grâce d'Alice, de ce sourire doux qu'elle glissait vers lui, de l'animation toute singulière qu'elle mettait à lui prouver à lui-même qu'il n'était pas aussi vieux qu'il voulait le dire. « Vous, mais vous avez 18 ans à côté des jeunes gens de 25 d'aujourd'hui. Vous vivez au moins, vous parlez, vous avez de la verve, de l'esprit à vous, vous aimez quelque chose. Je dis quelque chose pour ne pas dire quelqu'un. » fit Alice d'un petit ton railleur. Tout à fait le regard, le rire et les jolis yeux de la cousine Raymonde. Alice avait laissé tomber sur le rebord de la loge sa main, très petite pour son grand corps, et instinctivement elle rapprochait cette main de la main de Louis, posée là aussi. Le peintre voyait ses jolis doigts qui touchaient presque les siens. Il éprouva une sensation délicieuse à sentir la pression perfide du petit doigt de cette main sur sa main à lui. Il eut un rire bizarre, regarda Alice Hervier dans les yeux et lui dit tout bas « Alors vrai, je dirai encore à une femme, je vous aime, je ne serai pas trop ridicule. Vous le dites fort bien et vous seriez charmant. Même si la femme était jeune, belle, mais belle, belle comme vous. Même si... Ah, le maladroit de Rodion !» Alice eut l'envie soudaine de lui casser la nacre de son éventail sur le visage. Là, tout juste, pour couper ce duo, au moment où elle allait répondre, non plus seulement avec ses yeux, il entrait, là, Rodion, poussant la porte de la loge et portant dans un petit coffret un paquet de bonbons. « Le diable t'emporte !» pensa Alice Hervier. Le réchaud d'autrefois eût été allumé, cette fois elle l'eût poussé dessus, brutalement, tout seul. Son regard doux, son regard bleu acheva d'ailleurs la phrase que Rodion coupait net, et il eût fallu que Louis fût bien simple ou bien peu fat pour ne pas lire dans ses jolis yeux l'aveu d'amour qu'il retenait, lui, sur ses lèvres, mais en pensant à une autre. Alice avait pris les bonbons des mains de Rodion. « Sont-ils glacés au moins ?»« Oui. »« C'est extraordinaire que vous ayez bien choisi. » Elle les tendait à Louis et, souriant, disait « Prenez. » Ah, l'adorable fille. Louis comprenait qu'on se ruina pour cette Alice. Et aussi nettement que possible, cette femme adulée de Paris venait de lui dire là à lui qu'il était amusant et vivant et charmant et jeune. À son âge, oui, à son âge, Louis recevait des déclarations en face et de la plus jolie créature de Paris. Il y avait de quoi se troubler un peu. « Comment, comment ? » songeait Louis. « Je fais des passions, moi. » Il lui prenait la fantaisie de répondre « Ne vous moquez pas de moi, je ne suis pas un niais. » Est-ce qu'on peut m'aimer ? Et parbleu, oui, se disait-il tout à coup. On pouvait l'aimer puisqu'il avait des millions. Ces diables de millions. Était-il donc naïf ? C'était à eux seuls, que souriaient les yeux bleus d'Alice Hervier. Satanés millions. Il ne les aurait pas eus, et elle lui eût dit cela, il eût sauté de joie dans l'orchestre. Mais comment croire qu'une belle fille affolée de diamants flirte avec un millionnaire pour l'amour de l'amour ? Et c'était vrai, c'était pourtant vrai. Alice l'aimait, celui. Elle ne se fût probablement pas asphyxiée pour lui, mais elle ne mentait point. Elle lui avait dit la vérité, elle le trouvait très séduisant, différent des autres, supérieur aux autres. Au fait, songeait Louis pendant que, sur un décor de kermesse allemande, la valse mélancolique de Faust se déroulait, rêveuse, railleuse à demi, emportant les couples enlacés des étudiants et des filles blondes, pourquoi, au fait, viserait-elle mes pauvres misérables petits millions, elle qui se ganterait de topaz et se baignerait dans des perles ? Il regardait l'oreille d'Alice où pendaient, dans l'ourlet gras de chair appétissante, les diamants, les fameux diamants que toute la salle lorgnait et que lui, Louis, ne voyait pas. Raymonde aussi avait des oreilles exquises où il eût aimé poser ses lèvres. « Ma parole, songeait-il encore ? » Toutes ses oreilles roses lui faisaient songer à ce que disent les soldats à la retraite, comme il disait tout à l'heure. « Oui, parole d'honneur, elle trouve peut-être sincèrement, cette Alice, que je n'ai pas l'oreille fendue. Eh mais, eh mais !» Il y avait tout un réveil d'espoirs endormis, tout un battement de juvénilité rapide comme un essaim d'abeilles dans cette « eh mais !» qui n'allait pas vers Alice, mais plus loin. Voltigeait par-dessus la belle fille et s'arrêtait là-bas, dans le salon de l'hôtel où, rue d'Offémont, respirait cousinette. « Aimez alors, aimez, aimez !» Et s'il n'était pas trop vieux aux yeux d'Alice, pourquoi serait-il trop vieux pour Raymonde ? 20 ans, Raymonde. 24 ans, Alice Hervier, des contemporaines. Il se répéta « aimez !» plus d'une fois encore, pendant que, sous le nez de Rodion, Alice lui faisait les yeux doux et, de plus en plus, il lui semblait que Raymonde ne trouverait peut-être pas ridicule un amour qu'Alice Hervier trouvait possible. En songeant à Raymonde, Louis pensait aussi à Guillemard. Le rire féroce de Rodion lui trouait encore les oreilles comme une vrille. Si ce furet de Rodion s'acharnait sur Émile, le saignait au cou comme un poulet, Cousinette allait passer par d'atroces épreuves. Pauvre petite, il en frissonnait. « S'il ne s'agissait que de donner tout ce que j'ai pour tirer Émile d'affaire, je le donnerais joyeusement, se disait-il, et comme ça me débarrasserait. » Il mit en voiture Odion et Alice sur ses dernières réflexions, assez inquiète. En le quittant, Alice Hervier, à qui il présentait la main, appuya sur cette main en montant dans le coupé ses doigts plus qu'il n'eût fallu, et il sentit encore à travers les gants la pression de tout à l'heure. « Aimer, aimer !» Par la glace baissée de la portière, elle lui cria « N'oublie pas que mon jour est le mardi, j'ai un 5 o'clock, moi aussi. » Et le coupé ne fila pas assez vite que Louis n'entendit encore très distinctement le grognement de Rodion, maussade. C'était purement et simplement un rendez-vous que lui donnait là Alice Hervier. Alors, souriant, enchanté, avec une gaieté qu'il ne connaissait plus depuis bien longtemps, il revint à son logis, fumant son cigare et répétant son guilleret « Aimer, aimer !» Il avait bien raison de craindre pour Guillemard ce brave Louis. Émile se sentait entouré d'une vague coalition, d'une sorte de cercle qui se rétrécissait, formant autour de lui comme un blocus. Brusquement, des titres de la société d'alimentation avaient été livrés, puis peu à peu, le nombre en augmentait et Molina, déjà effaré, demandait à Émile si le stock de titres venant à être jeté tout à coup là, sur le marché, Guillemard et lui pourraient en prendre livraison. « Je l'espère bien, » avait répondu Émile. « C'est que nous en avons tant souscrit, tant acheté pour faire la hausse. Il m'est venu une idée, c'est que si Stockley, par hasard, était l'homme de paille, de qui ?»« De quelqu'un que tu sais bien, nous serions fichus. »« Stockley, allons donc. » La Central American Bank n'a rien de commun avec le crédit franco-exotique. Je le souhaite. Et Molina soufflait comme un phoque, tandis que Guillemard essayait de rire comme par le passé. À la vérité, une angoisse le pressait au gosier. Il dissimulait, jouait la comédie de la confiance, mais il avait peur, lui, le grand Guillemard, qui n'avait jamais tremblé. Il lui prenait des superstitions niaises. C'était un vendredi qu'ils avaient dîné au Chapon Fin avec Rodion, s'il avait su. Avec sa nature expansive de flamand bien en chair, dissimuler était un supplice. Il lui semblait que, pour aller à la bourse, il se mettait sur le visage un masque de gaieté. On l'épiait, il le savait bien. Il n'éprouvait de soulagement que lorsqu'il pouvait à demi se confier au cousin Victor, qui alors l'écoutait, torturé, et tout près de lui dire « Ne t'inquiète pas, l'argent que j'ai ici est à toi ». Avec Ribert, dont il ne redoutait ni les indiscrétions ni les projets, le pauvre homme, étouffant, avait des élans singuliers, inattendus. « Si tu savais par quelle transe je passe. Ah, que tu es heureux, toi, mon vieux Victor, de ne pas connaître ces coups de couteau-là. Tu peux dormir, toi, tu peux dormir. Crois-tu ? » balbutiait Ribert, lacéré par la confiance de cet homme. Lui aussi étouffait. Quand pourrait-il parler ? Bientôt. Il tenait à avertir Geneviève, à la prévenir. Il voulait savoir aussi ce qu'elle dirait. C'était un coup qui allait atteindre la pauvre femme en plein cœur. Mais qu'elle souffrit ou qu'elle suppliât, c'était résolu. Il le fallait. Ribert, le cœur serré, ne pouvait vivre avec cette angoisse. Et s'il devait mourir, il voulait se sentir lavé de cette honte qui le souillait à ses yeux. La joie, le rayonnement de Geneviève, cette gaieté d'oiseau en liberté qu'avait la jeune femme, effrayait bien un peu le malheureux, quand il pensait qu'il fallait briser tout cela de ses mains. Il dit un matin, se trouvant seul avec Geneviève, « Tu es bien heureuse, et tu m'aimes bien. Mais il m'est venu une pensée triste. C'est que si nous nous retrouvions par hasard, comme il y a un an, eh bien, toute cette joie partirait, et peut-être aussi cet amour. Si nous nous retrouvions comme il y a un an, dit-elle, regardant coquettement son mari, je crois que je me résignerai plus facilement maintenant. J'ai touché à mon rêve de luxe. C'est très amusant. Mais je sais ce que c'est. Tu te résignerais ? » dit Victor, voulant lui faire répéter ces mots qui lui donnaient du courage, le consolaient d'avance. Elle sourit. Oui, parfaitement. Ribert prit les mains de Geneviève. Vous avez la fièvre ? Dit-elle alors, effrayée. Tu crois ? Oui, je crois. C'est que, Écoute, l'heure est sérieuse. Je ne voudrais pas que tu dises que ce que je vais t'annoncer est un malheur irréparable. Quand on s'aime et quand on a l'âge de gagner encore une fortune... » Elle changea de ton et, stupéfaite, « Voyons, voyons, que méditez-vous donc ? Tu disais, toi, que tu te sentais prête à la résignation, à la simplicité. Sans doute. » Elle commençait à se troubler un peu, et lui, d'un ton pénétré et profond, « Geneviève, mon amie, ma femme, c'est peut-être, vois-tu, maintenant le moment de toute ta vie qui aura exigé le plus de courage, si tu savais. » Il s'arrêtait, tremblant, la voix lui manquant et se disant tout à coup que c'était en vérité trop demandé à cette femme. « Si je savais, quoi ? Ah, je vous en prie, je vous en supplie. Si c'est un malheur, dites vite !»« C'est un grand malheur. Dans 3 jours, dans 2 jours, demain, nous nous retrouverons où nous en étions il y a 1 an. »« Où nous en étions ?» répéta Geneviève, terrifiée. Elle avait envie de lui crier « Assez !» de lui demander de ne pas pousser plus loin la cruauté d'une semblable plaisanterie. Quelle idée d'exiger d'elle, comme cela, tout à coup, de l'héroïsme ? Geneviève, reprit doucement Victor, la voix brisée, je te dis la vérité. Tu sauras tout avant peu. J'ai voulu te préparer à ce lendemain, te donner le temps d'appeler à toi toute ta force. Il lui semblait que des sanglots allaient lui couper la voix, et elle, alors, essayant de sourire, essayant de croire que cette atroce réalité n'était qu'un jeu, le regardait, lui disait « Oui, je comprends. Je comprends, c'est une épreuve. Vous voulez savoir si je serai capable de courage. Tout à l'heure, j'en faisais parade. Mais ce n'est pas vrai. Me retrouver dans la tristesse d'autrefois, malgré ce que j'ai dit, je ne le pourrais pas. Ne me croyez pas. Je suis femme, après tout, et c'est si bon, le bonheur. » La voix de Ribert se fit grave, comme si sa parole maintenant devenait un ordre. « Il faut pourtant compter avec le malheur, Geneviève. Il est dans la vie, le malheur. Il faut l'attendre. Il vient toujours. Mais comme il nous fait nous aimer, dit-il avec sa mâle tendresse profonde, il rend l'affection si belle. Il y met tant de joie, tant de bien, tant de choses. Comprends bien, ma Geneviève. C'est par le malheur que le bonheur arrive quelquefois, 100 fois plus grand, 100 fois plus vrai. Qu'est-ce que les sinistres de l'argent ? » Il la regarda tendrement dans ses beaux yeux. « Le malheur, il n'y en a qu'un. Et si je mourais, dis, que deviendrais-tu donc ? Et que dirais-tu si tu apprenais que notre André, que tu aimes comme ta fille, est morte ? Voilà le malheur, mais le reste ?» Geneviève comprenait maintenant que ce n'était pas une épreuve, qu'il disait vrai, qu'il y avait un malheur atroce au-dessus d'elle. Comme autrefois, comme jadis, la neige, la froide neige de la ruine, la neige qui tombait le soir de décembre où entrait la faillite au logis du père, la neige, linceul de ses désastres, la neige de l'hiver fouettait peut-être les vitres du logis. Ah, comme ses coquetteries, ses vanités, ses folies et ses ivresses s'envolaient devant la réalité de cette fièvre, aperçue maintenant dans les yeux de Ribert, devinée dans la moiteur de ses mains qui la serraient. Comme elle sentait qu'il y avait autre chose dans le malheur que la ruine, la solitude, la séparation. « Toi, mourir ? Mourir, mon compagnon aimé, mon ami, mon cher Victor ? Qu'il arrive ce que Dieu voudra, pourvu que je te garde. » Il la pressa sur sa poitrine, l'embrassa au front, lui demanda « Je ne peux rien te dire de ce qui nous menace. M'autorises-tu seulement à faire ce que me dicte ma conscience ? Il n'y a pas de plus honnête homme que toi. Ce que tu feras sera bien fait. » répondit-elle doucement, comme André avait répondu. Mais elle se sentait entraînée vers quelque gouffre invisible. Elle songeait, prise de terreur, à cette possibilité atroce, se retrouver enfoncée dans la médiocrité de jadis. Victor était retourné dans son cabinet. Geneviève sonna. « Le feu s'éteint, » dit-elle au domestique. Elle frissonnait. Ah, sur ses épaules, le baiser froid de la neige blanche, comme il tombait avec la férocité de sa morsure.